on va pas rester devant 3 heures là. Comment ça on se casse? T'es fou quoi toi? On va pas aller se coucher maintenant. Les filles, vous avez un plan? On peut aller chez moi si vous voulez. J'ai une maison de campagne. Vous avez une voiture? Aéroport de Bogota, pareil au top, c'est lunatique, pit. Départ dans 10 minutes en cas de doute, planque la coke dans le coq. Briquez les armes, voici le plouc, un doute, un souci. Shootez tout ce qui bouge, on se retrouvera là-haut, vous savez. Tout de suite, le type dit un louche, sa sueur coule comme si c'était douche. Et tel tous les fous qui voulaient me doubler, mais roubler, je touche. C'est quoi le gros? C'est quoi ton blême pro? Merde, fils de pute, t'as un micro, t'es qu'un gros stupide. T'es trop stupide, bouge pas, je vais te buter, sale flic. Je viens de buter un sale flic, pute, couvre ma flic vite, j'ai mon wiggles. D'où je puise toutes mes sources fouines. Je fouille les rues et tombe sur mon pote Steve. Il me demande qui je veux. Se prive pas pour Bouka, Bloopalooza. Son petit neveu, c'est Bloopalooza. C'est fou ça, ce coup-ci il saura ce qu'il en coûte d'avoir voulu souhaiter doubler ma Mafia. Les seules lois auxquelles je crois, les miennes chaînes de vie. Voilà la tienne et à la santé. Black Mafia. Je finirai pas comme Scarface, percé de partout, blast dans la coque et crie en fuck, you motherfuck. Black Mafia. Lève ton flingue, charge-le, sois dingue. Vise le dingue, n'hésite pas si on injure. La monnaie, mafia, le sexe, mafia, les flingues, mafia. Oxmo Poutine sur la route pour aller chez Bloopalooza. Une luxueuse Lexus rouge, vitre fumée me file de peu. Topé au péage, les carreaux de la caisse en question coulisse. Une maîtresse sec, les hommes sont masqués, mon chauffeur en caisse. Je me laisse tomber, un, laisse rouler, deux, grenade sous les roues, des boum boum, beaucoup d'hommes en fumée. J'arrive à pied fatigué, un gars fait le guet à l'ascenseur, je bute. Je monte au 7 et je fais gaffe à Tony. Et au 7, Tony m'intercepte. Un 357, longue autonomie. Les douilles tombent, l'ascenseur est niqué. Tony se fige, panique se rip ou flip ou suis-je. Il se pose la question, qui peut buter Oxmo Puccino? Grosse réponse pour Tony quand la porte explose. L'ascenseur puait, j'avais choisi d'user mes wallabies. T'abuses, Tony t'a usé toutes tes balles, je sais que j'ai raison. Ma ruse, use ta vie, j'ai mon Uzi. Je me retourne, Blue, t'as fait une lourde bourde. En bref, tu m'as donné au cœur, j'ai peur pour toi. Pourquoi tu m'en cesses ta farce? Parce que si t'es pas toi, t'es qui? Mais c'est je chialais, tu souilles mes clarks. Alors trois trucs perdu son fils de putain de crâne. Pour trois traits, grand trou, grand comme mon crew. Black Mafia. Les seules lois auxquelles je crois, les miennes chaînes de vie, bois à la tienne et à la santé. Black Mafia. Je finirai pas comme Scarface, percé de partout, blanche dans la coque. Et crie en fuck, you m'en veux fuck. Black Mafia. Lève ton flingue, charge-le, sois dingue. Vise le taille, n'hésite pas si on injure. Black Mafia. La monnaie, Black Mafia. Le sexe, Black Mafia. Les flingues, Black Mafia. Time bomb. Le lendemain 16h, je bec mes camflex et ce réflexe. Je presse le hall de la TV, devine ce qu'elle dit. Eh bien, le type qui flippait dans slip trempait plus que celui des filles de type exécuté d'être un sosie. Et que le FBI guette ma Black Mafia, m'accuse de vouloir péter la tête du traître. Me voilà fugitif, vite, je prends mon fusil vise. J'attends quelqu'un de témoin, qui sait? On me répond, c'est pour un emploi, je me présente, on me dit que l'homme a tué, c'est Oxmo du 20-1, le Black Mafia aux Ipoutinomon, voisin du crime, chef des casinos, il me semble que c'est urgent ce soir, on verra les urgences. Le contrat est sur toi, foot, il faut qu'on s'organise, faire flipper la firme, quelle balise, qu'on se faire balise, piège la valise du boss, dynamite sa caisse, réunis la tête, et pour les décalés, on sait déjà. Oh écoute, Booba, je sais au Bloopalooza, la coupe douce, si t'as l'aine cruiser, pousse bien, on est là-bas pour 12 heures. Toc toc, salut Bloopalooza, sale schlock. T'as bien raison de flipper, j't'ai retrouvé chez équipe de mon cloche. Le macaque me sort son magnum, ne blague pas, me nomme le magma, me braque et ne me manque pas. Touché au bras gauche, fausse blessure. J'mets un coup de pied dans la crosse et sois un surin de ma chaussure. J'lui fous un coup de couteau sous son cou, tout son juice coule jusqu'à son poumon, ça c'était pour mon crew. Enfoiré, tu croyais que t'allais me tuer, mais tu es fou quoi. Autant évacuer la Chine en une nuit. Et puis, je veux pas te tuer, non, dis pas merci. Vous battu cette merde puante, qu'on se casse d'ici, j'entends. Les sirènes, c'est les keufs. Oublie les keufs, foot, prends ton pouce, cache-le dans ta main, sucose. Bouson, passe-moi le blouson. Lâche la cocaïne ou chiotte. Démarre la dip, on se casse loin d'ici.